jouer avec ma tête. Parle à mon cul, ma tête est malade. Parle à mon cul, ma tête est malade. Parle à mon cul, ma tête est malade. Parle à mon cul, ma tête est malade. Tu joues ton tam-tam et tu danses. C'est toi seul qui joue, c'est toi seul qui danse. Quand ça t'arrange, tu me trouves génial. Et quand ça t'arrange, je suis un malade mental. Aujourd'hui tu voudrais mon avis et tu demandes mon appui. Alors écoute bien ce que je te dis. Alors écoute bien ça.